Évariste Ndikomanyanga. Merci de rester fidèle à Radio Sanganiéro. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce samedi 7 septembre 2019. Donc voici d'abord les principaux titres. C'est ce samedi que plus de 6000 candidats militaires de rang ont passé le test intellectuel au niveau national. Et le porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi a indiqué à la presse que parmi ces candidats figurent une centaine de l'ethnie Batwa. La province de Kirundo fait face à un manque criant des hôpitaux, des habitants de cette province qui font de longs trajets pour se faire soigner demandent l'implantation des autres hôpitaux dans cette province du nord du pays. Et dans plusieurs écoles et postes fondamentaux de Rumonge, il n'y aura pas d'élèves à orienter dans ce cycle, car certaines écoles ont eu zéro réussite au concours national des 9e années. Vous l'entendrez dans ce journal. Albert Douayo assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Passation du test intellectuel de recrutement des militaires des rangs dans tout le pays ce samedi. Plus de 6000 candidats étaient attendus dans 18 centres de passation à travers le pays. Le porte-parole des forces de défense nationale du Burundi indique que parmi les candidats, plus d'une centaine sont de l'ethnie Batwa. Colonel Vireke Flormer fait savoir qu'après le test intellectuel suivra le test physique. On l'écoute. On voudrait préciser que le recrutement au sein de la Force de défense nationale se fait en trois phases. Il y a d'abord la phase qui concerne les candidats officiers. Il y a ensuite une phase qui concerne les sous-officiers. Et enfin, il y a une phase qui concerne les militaires de rang. Aujourd'hui, il s'agit de la passation du test d'aptitude intellectuelle pour les militaires de rang. Le test qui a été prévu pour les candidats militaires de rang se fait en deux matières. Il s'agit du français et des mathématiques. Les candidats au test sont au nombre de 6463 et ils sont répartis sur l'ensemble du territoire du Burundi. C'est-à-dire que dans toutes les provinces, on est en train de passer ce test. Ici à l'ISCAM, on a enregistré 158 candidats et parmi ces candidats-là, il y a 4 filles et 2 personnes de l'ethnie Twa. Dans le passé, il s'est avéré que certaines personnes se sont fait passer de cette ethnie alors qu'ils ne l'étaient pas. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour éviter que de telles irrégularités puissent se reproduire? Effectivement, dans le passé, on a vu une tendance, mais qui est une tendance marginale, des gens qui ont voulu se faire passer pour des toits, mais c'était quelques cas qui ont été découverts à temps et on ne peut pas dire à proprement parler qu'est-ce qu'il s'agissait d'un grand problème. Aujourd'hui, la Force de défense nationale a travaillé avec l'administration à la base pour faire en sorte que cette question ne puisse pas se reproduire. Et on est heureux de constater qu'effectivement, cette année, de tels cas ne se sont pas présentés. S'agissant de l'ethnie Twa, on a enregistré 123 candidats sur l'ensemble du territoire. Colonel Biyereke Floribert était au micro de Charlie Makoto. Tout bénéficiaire de véhicule du Charois Zéro qui ne s'est pas encore acquitté de ses obligations est appelé à régulariser avant le 15 de ce mois de septembre. Passé ce délai, des mesures de recouvrement forcé seront prises, informe l'Office burundais de recettes OBR dans un communiqué. Sur cette politique de Charois Zéro, le Conseil des ministres réuni début juin a accordé un délai de grâce de 3 mois aux bénéficiaires irréguliers pour régulariser leur cas. Les détails avec Mary Kanyang. Le Conseil des ministres du mercredi 5 juin de cette année, s'appuyant sur un rapport de l'OBR sur cette politique de Charois Zéro, a précisé que sur plus de 800 véhicules, seuls près de 470 bénéficiaires se sont acquittés de leur dû, souligne Prosper Nagwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, dans un compte rendu. Il ressort des résultats de cette enquête que 146 bénéficiaires de contrats de vente ont payé un montant de 694 600 000 francs bout. 469 bénéficiaires légitimes et réguliers ont honoré leurs obligations contenues dans les contrats de prêt avec le gouvernement et payé un montant de 4 milliards 40 185 000 francs bout. 66 bénéficiaires légitimes sont irréguliers dans l'exécution de leurs obligations contenues dans les contrats de prêt. Parmi eux, 38 ont payé un montant de 251 907 505 francs bouts. Ce Conseil des ministres a en outre accordé un délai de 3 mois pour que tout bénéficiaire irrégulier se ressaisisse. Pour ce qui est des attributaires illégitimes des véhicules, il faut leur exiger de remettre les véhicules dans le parc automobile de l'État. Un délai de grâce de 3 mois a été accordé à toutes les personnes en situation irrégulière pour régulariser leur cas. Passé ce délai, il a été demandé à la justice d'agir dans le sens du recouvrement pour qu'il soit clôturé d'ici la fin de l'année 2019. En attendant, il a été ainsi demandé que ce dossier soit transféré au ministère de la Justice sans délai. Sur les cas d'irrégularité, dans son communiqué du 29 août de cette année, l'Office burundais des recettes OBR rappelle à tout bénéficiaire irrégulier de s'acquitter de toutes ses obligations avant le 15 de ce mois de septembre, faute de quoi des mesures de recouvrement forcé seront prises. Merci à Mireille Kanyang. Je vous le disais en titre, la province de Kirundo présente l'insuffisance des hôpitaux, comme l'indiquent des habitants de la commune Busoni de la dite province. Ils déplorent qu'ils effectuent un long trajet dépassant 60 km pour accéder à l'hôpital situé au chef-lieu de la province de Kirundo. Et par conséquent, ils expliquent qu'ils y arrivent étant dans un état critique. Ce fait est confirmé par le médecin provincial de Kirundo, Dr Louis Nzitunga, qui précise que la province ne compte que 2 hôpitaux. Ses habitants demandent l'implantation d'autres hôpitaux dans la province de Kirundo. Les détails avec Vestine Boutoy. Ce sont des habitants de la colline Burara, en commune Busoni de la province Kirundo, déplorant l'insuffisance des hôpitaux dans cette province. Une d'entre eux indique qu'il est presque impossible d'accéder à l'hôpital situé au chef-lieu de la dite province à cause du prix du ticket de transport occasionné par un long trajet à effectuer. Quand on est obligé de se rendre à l'hôpital de Kirundo, le prix du ticket de transport à moto ou dans un bus est de 20 000 francs bout, voire 30 000 si le chauffeur est de mauvaise foi. Il ajoute que parfois il y a des morts puisque le malade n'a pas pu se rendre à l'hôpital pour se faire soigner une maladie qui ne pouvait pas être traitée au centre de santé. C'est pas facile car il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie. Par exemple, quand un patient a une maladie qui nécessite d'être traité à l'hôpital alors qu'il n'a pas de moyens, c'est possible qu'il meure. En outre, un autre signale que souvent, l'ambulance n'est pas disponible pour transporter des patients résidents dans des coins reculés. C'est déplorable de voir un malade qui ne parvient pas à se faire soigner, faute de l'hôpital proche de chez soi. Il y a des cas où celui-ci aura besoin d'être opéré. Du moment que l'hôpital qui soit proche est celui de Kirundo, c'est vraiment difficile. Et même l'ambulance qui pourrait transporter une femme enceinte à l'hôpital peut ne pas être disponible. Et dans ce cas, nous faisons recours à nos moyens. Docteur Louis Nzitunga, médecin provincial de Kirundo, confirme cette insuffisance des hôpitaux dans cette province. Il explique qu'actuellement, l'hôpital de Kirundo accueille le nombre élevé des patients. Il ajoute qu'étant donné qu'il y a des communes ne disposant pas un hôpital, entre autres celle de Busoni, il arrive qu'une ambulance ne parvienne pas à temps à un patient. On peut amener une partiriante qui vient de Nega, par exemple, et en ce moment, on est allé prendre une autre partiriante qui serait à Busoni. Il y a les centres de santé les plus reculés, une 60 km. Vous trouvez qu'au niveau de cet hôpital, on peut en même temps amener 3 cas à opérer. Vous comprendrez vous-même que c'est difficile vraiment d'installer 3 personnes en même temps. Au moment où ces habitants de la commune Busoni demandent la mise en place d'un autre hôpital dans leur province de Kirundo, Dr Louis Nzitunga fait savoir qu'ils ont déjà mis au courant le ministère de la Santé publique de cette situation et qu'ils espèrent que bientôt leur demande sera exaucée. La province sanitaire de Kirundo comprend 4 districts sanitaires, dont 2 seulement ont des hôpitaux, alors que chaque district sanitaire devrait disposer au moins un seul, selon Dr Louis Nzitunga, médecin provincial de Kirundo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons éducation à présent. Certaines sections de premières années du poste fondamental ne pourront pas ouvrir leurs portes au courant de l'année scolaire 2019-2020 dans la province scolaire de Rumungué. Les directeurs communaux de l'éducation, de la formation technique et professionnelle qui le disent expliquent qu'il n'y a pas assez d'élèves à orienter dans ces sections vu que certaines écoles ont eu zéro réussite ou très peu de réussite dans les 9e années par rapport au nombre de sections disponibles au poste fondamental de cette localité. Des écoles, à l'instar de ce lycée communal et du ressort de la commune scolaire de Burambi, sont concernées par cette mesure. Il en est de même pour les écoles organisant plusieurs sections au poste fondamental, alors qu'elles ont à leur actif très peu de réussite au concours national 9e édition 2019. Ici, Rémi Daikenguru, qui est directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle à Rumungué, dit que certaines sections seront obligés de fermer leurs portes par manque d'élèves à y orienter. De plus, selon ce responsable scolaire, se référant à cette situation à Kivubo et à Nyagasaka, une seule section sera choisie aux 20 réussites au concours national de 9e. Et celui ou celle qui trouvera que cette section n'est pas de ses préférences ira ailleurs. Dans la récente réunion qu'il a organisée à l'intention des directeurs de toutes les écoles de la province scolaire de Rumungué, Kriazis Niukuri, directeur de cette province scolaire, voudrait que les directeurs d'école ayant enregistré zéro réussite au concours national 9e édition 2019 soit remplacé dans les meilleurs délais. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour tous ces détails. L'ambassade du Burundi en Afrique du Sud appelle les ressortissants burundais à éviter de fréquenter les lieux où se déroulent les violences. Dans ce pays, ambassadeur Isaïe Nirizoshira demande aussi aux Burundais de rester chez eux le soir et d'informer leur représentation pour toute information inquiétante. Il a été joint au téléphone par Placide Nimungere. C'est vrai que ces actes xénophobes, ça se répète pratiquement annuellement ou tous les 2 ans, mais c'est vraiment quelque chose de cyclique. Ce fait que la population pauvre qui voit des étrangers qui quelquefois, disons, ont des activités économiquement prospères, ils sont jaloux parce que les étrangers qui viennent ici travaillent tout son ardeur, ce qui fait que les gens qui ont des emplois, des fois, ils préfèrent donner à des étrangers, même s'il y a une loi, bien sûr, qui encadre l'embauche. La population très pauvre d'ici voit dans ces étrangers des gens qui prennent leurs emplois. Et alors, il suffit d'un petit rien pour que ces étrangers soient vivants. Des fois, ils sont tués. Mais cette fois-ci, c'était plutôt une sorte de pillage organisé parce que les gens, ils sont vraiment penchés plutôt vers le pillage des magasins des étrangers. La population qui est pauvre ici profite de n'importe quelle situation ou pour, disons, saccager et pour pouvoir s'approvisionner, en fait. On ne peut pas dire que le gouvernement sud-africain ne prend pas les mesures qu'il faut pour, disons, juguler ce phénomène. Parce que juguler ce phénomène reviendrait, en fait, à élever le niveau de vie de ces gens pour que ces gens ne soient plus tentés, disons, d'aller piller dans les magasins des étrangers. Mais quand ça arrive, le gouvernement, disons, s'organise pour que le phénomène soit jugulé. Et c'est ce qu'on a remarqué maintenant. Disons, ça s'est passé de lundi à mardi à mercredi. Mais maintenant, on voit que maintenant, le gouvernement a déployé les forces de police nécessaires pour que la situation vraiment soit sous contrôle. Des éléments de police sud-africains sur les lieux. Mais quel devrait être le comportement des Burundais pour éviter d'en être victime? Nous avons organisé une réunion avec les responsables de cette communauté burundaise pour échanger d'abord sur la situation réelle de la communauté burundaise. Nous avons été heureux d'apprendre que ni au Camerounais qui a perdu sa vie, qui a perdu la vie dans ces violences. Nous leur avons conseillé, bien sûr, d'éviter, dans la mesure du possible, ces endroits où ils peuvent être victimes de ces violences. Et surtout, quand surtout vers le soir, qu'ils restent chez eux pour éviter les tentations ou les risques d'être, disons, victimes de ces violences. Et nous avons pris des mesures pour que partout où se trouvent des Burundais, on échange d'informations pour savoir à tout moment, en temps réel, ce qui est en train de se passer au niveau de la communauté burundaise. C'était l'ambassadeur du Burundi en Afrique du Sud. En province de Bubanza, le coordinateur du projet PAPAB, projet d'appui à la productivité agricole au Burundi, demande aux bénéficiaires de pérenniser et de transmettre les connaissances acquises dans les communes qui n'ont pas été ciblées au début. Eddy Bouzoya l'a dit ce vendredi au stade de Bubanza lors d'une journée porte ouverte pour l'exposition et la vente des produits agricoles récoltés après beaucoup de séances d'apprentissage et de vulgarisation. Spes Caritas Kavanyana, correspondance. C'est ce vendredi que les responsables de PAPAB, projet d'appui à la productivité agricole au Burundi, ont organisé une journée porte ouverte au stade de Bubanza où les populations bénéficiaires du projet ont fait une vente et exposition de leurs produits comme le haricot, la banane, le manioc, le miel, les œufs, les tomates, les aubergines et autres. Les populations bénéficiaires des communes de Musigati, Bubanza et Rugazi disent être satisfaites des réalisations même si le projet n'a pas atteint toutes les collines. On a seulement ciblé 18 collines avec 7825 ménages de ces trois communes selon les organisateurs du projet. Le coordinateur national demande aux populations bénéficiaires de pérenniser le projet et de continuer à vulgariser les connaissances acquises dans tous les ménages, surtout dans les communes de Gihanga et Manda, qui n'ont pas fait objet de cible. Eddy Bouzoya leur recommande d'apprendre aux autres les techniques agricoles pour une bonne production, le traçage des courbes de niveau, la sélection des semences, la construction des greniers pour une bonne conservation des récoltes et autres. Il ajoute que le projet PAPAB, qui a accompagné 7825 ménages des 18 collines dans les trois communes de cette province de Bubanza depuis 2016, va bientôt terminer ses 4 ans d'intervention. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. C'est sur cette correspondance de Space Caritas Kavanyana que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndiwaye pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikumananga. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. De la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Nous ouvrons cette revue de presse par le journal La Voix de l'enseignant, qui rapporte que 13 ans après la promulgation de la loi portant statut général des fonctionnaires, le recrutement des enseignants va se faire sur concours. C'est une première, constate et s'exclame notre confrère. Satisfaction donc, mais il ne manque pas des inquiétudes dans les milieux enseignants, souligne-t-il. Il se demande comment la Commission nationale de recrutement va surmonter la subjectivité partisane, le népotisme et la corruption. Son questionnement se fonde sur la composition de cette commission. Il explique que sur les 10 membres, un seulement représente les syndicats. Celui-ci aura-t-il une main libre pour exiger la transparence, s'interrogent ses enseignants dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation. Les inquiétudes de ces enseignants se fondent sur l'emprise des responsables du parti au pouvoir sur les recrutements antérieurs. Selon les représentants syndicaux cités par ce journal, les candidats enseignants déposaient leur lettre de demande d'emploi au niveau des permanences du parti au pouvoir. C'est de là que ceux qui étaient retenus retirer les lettres. Notre confrère rapporte aussi que pour lever tout équivoque, les enseignants souhaitent que les résultats soient affichés. Ils plaident pour que les bénévoles soient privilégiés, que les enseignants redéployés soient remplacés par les nouvelles recrues pour qu'ils puissent retourner à leurs anciens lieux de prestation, écrit toujours la voix de l'enseignant. La correction est-elle permise aux administratifs? S'interroge le journal Iwachu à propos de l'administrateur de la commune Gambarangwe en province Kirundo, qui n'est toujours pas inquiété après avoir tabassé trois jeunes filles, les accusant d'empêcher les gens de payer les taxes communales. La population de Butegana, leur colline de résidence, parle plutôt des mobiles politiques. En réalité, rapporte cet hebdomadaire, elle faisait des répétitions de danse pour les cérémonies d'ouverture de la permanence du parti CNL. Dans tous les cas, il y a erreur de procédure, constate l'éditorialiste du journal Iwachu. Mal en point, l'une d'entre elles est toujours hospitalisée à l'hôpital de Mukenge. Nombre de personnes demandent des sanctions contre cet administratif. L'administrateur devrait être ramené à l'ordre, recadré, ce qui n'est pas le cas apparemment. Aucun message. Par contre, les responsables provinciaux essaient de mettre un bémol pour calmer le jeu et pour ne pas heurter, choquer. Notre confrère les cite. L'administrateur a pris un bâton et a donné quelques coups. À cause de la colère, il a été pris par une crise d'estomac, explique le président du CNDD-FDD en province Kirundo. Pour le gouverneur de province, l'administrateur communal n'avait pas l'intention de faire du mal à ses filles, mais c'était une manière de corriger un enfant. Des réponses simples, simplistes. Une langue de bois. Du politiquement correct, ironise notre confrère, qui rappelle que, comme disent les politologues, si une idéologie ignore certaines réalités, la réalité finit par se venger. Revue de la presse. L'indemnisation des futurs expropriés de Masaka est pour bientôt, titre l'agence burundaise de presse. C'est une annonce faite par le directeur général de l'Office burundais des mines au cours d'une réunion cette semaine à Butihinda avec les représentants des familles à exproprier, les responsables des coopératives minières et les représentants de la société Aurifère Africa Mining Burundi qui compte y exploiter l'or et les minerais associés. Ce quotidien précise que les coopératives minières, qui ont suspendu leurs activités sur ordre du gouvernement, pourront reprendre l'exploitation artisanale, mais sous l'encadrement de l'ABM, pour celles qui accepteront de signer une convention avec cette dernière, convention incluant l'obligation de vendre obligatoirement leur production à cette société. L'ABP note que 350 familles, dont au moins une quarantaine, perdra leur maison, sont concernées par cette expropriation pour laquelle les populations recevront 10 millions de francs burundais à l'hectare. Le gouvernement suggère que la société ABM puisse donner à ceux qui perdront leur maison d'autres maisons clés en main pour éviter de leur octroyer de l'argent qui risque d'être une source de malentendus entre les couples. Et les prix de certains produits alimentaires les plus consommés dans les ménages sont à hausse, même si c'est le moment de la récolte. C'est le constat fait par le reporter du journal Burundi Echo dans sa descente lundi 1er septembre 2019 dans certains quartiers de la municipalité de Bujumbura. Entre autres raisons de cette situation, notre confrère s'est fait expliquer par des commerçants que les agriculteurs n'ont pas la liberté de vendre leur production par mesure protectionniste de l'État dans le but de les empêcher d'écouler toute leur production sur le marché et surtout dans les pays voisins. Cette situation est surtout observée dans les provinces du Nord comme Kirundo et Muyinga. Et c'est la fin de cette revue de presse présentée par Francine Ndokubgayo et Jean Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.